franceinter.fr. Well. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Farwell, l'histoire d'espionnage la plus retentissante de l'après-guerre, rien de moins. C'est aussi escalité la plus passionnante. Une histoire dont la plus grande vertu est peut-être de nous rappeler à quel point l'adage, selon lequel la réalité a souvent plus d'imagination que la fiction, est justifié, n'en déplaise à John le Carré, le grand spécialiste du roman d'espionnage de la guerre froide. Car notre histoire se déroule précisément au cœur de la guerre froide, au début des années 80, dans un monde en trompe-l'œil qui nous a toujours donné l'impression d'être dangereux. Oui, souvenez-vous, entre les deux super-grands, on parlait d'équilibre de la terreur, en oubliant un peu vite que dans équilibre de la terreur, il y avait surtout équilibre, car ni Washington ni Moscou n'avaient l'intention d'envoyer des ogives nucléaires sur le territoire de l'autre, chacun ayant bien conscience que cette folie déboucherait immanquablement sur la destruction du monde. Alors, Américains et Soviétiques se faisaient la guerre par pays du tiers-monde interposé, c'était tellement plus confortable. Nous étions en vérité dans un monde moins dangereux que celui que nous connaissons aujourd'hui. Même la crise des missiles de Cuba en 1962, qui pourtant portait tous les ingrédients de la fatale déflagration nucléaire, n'a débouché sur aucun conflit. Ce monde plus dangereux, ce monde issu de la chute du mur de Berlin, notre monde, celui de l'ennemi invisible qui frappa si fort le 11 septembre 2001, seul François Mitterrand avait su en dessiner les contours avant tous les autres, d'où les accusations dont il a été l'objet, toutes plus erratiques les unes que les autres. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. François Mitterrand, précisément, fut l'un des personnages centraux de l'affaire Farwell. Il l'a reçu comme on reçoit un cadeau sur un plateau d'argent. La chance, oui. Mais le talent d'un homme politique, il est quelquefois nourri par cette notion qui échappe au raisonnement et qu'on appelle précisément la chance. C'est cette histoire que nous allons vous raconter, que nous enrichirons des éclairages de notre invité Hervé Brusini, grand reporter, prix Albert Londres 91 avec Dominique Thiers pour son enquête sur l'affaire Farwell. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, voix de Farwell Philippe Pierrard, réalisation Coy Nguyen et Jérôme Chélius, à la technique Hélène Langlois, Elisabeth Collet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. J'ai tout de suite vu que c'était une affaire énorme, la plus grande émotion de ma carrière, en tout état de cause. À la sortie du premier rendez-vous, j'ai cru qu'on entrait dans un roman policier. Si nous avions eu le choix d'une source... Alors il me présente un premier document. Au cœur du dispositif soviétique le plus sensible pour la défense de l'Ouest... Le gros document, j'ai été très surpris, parce que justement, il était même signé de M. Andropov, directeur du KGB. Nous avions eu le choix d'une source. Nous aurions voulu qu'elle soit précisément à l'endroit où se trouvait Farwell. La politique de la France est celle de la France. 47 soviétiques, diplomates pour la plupart, ont été expulsés de France cet après-midi. Mais la France est un allié loyal et fidèle des États-Unis d'Amérique. Nous avions donc beaucoup de choses à nous dire sur ce point. Farwell, c'est un nom code. L'homme dont nous parlons, le personnage principal de cette histoire, s'appelle en vérité Vladimir Petrov. C'est un officier du KGB, mais pas n'importe lequel, pas un soutien, non. C'est un agent qui travaille au cœur de la puissante agence d'espionnage et de contre-espionnage soviétique. Un homme qui a accès aux renseignements les plus importants. Pensez donc, cet officier, il est lieutenant-colonel, connaît comme sa poche l'ensemble du dispositif soviétique d'espionnage dans le monde occidental. Et il va devenir la source des services secrets français, auxquels, spontanément, il va livrer tous les secrets, tous les rouages du KGB et de ses honorables correspondants en Europe et aux États-Unis, vertigineux. Avec cette trahison de haut vol, il va rendre son pays, l'Union soviétique, comme un corps sans défense immunitaire, et pire encore, comme un corps malade qui ne le sait pas, qui ignore qu'il porte en lui un virus mortel qui va l'exposer mortellement. Avec l'œuvre de Petrov, l'URSS est rongée de l'intérieur. Pour Moscou, c'est une véritable catastrophe, mais pour les services français et pour le président Mitterrand, c'est le coup du siècle. Ainsi, pendant près d'un an, Vetrov va faire passer à l'ouest la bagatelle de 3000 documents secrets, grâce à la fameuse valise diplomatique qui traverse le rideau de fer aussi facilement que le nuage de Tchernobyl traversera les frontières de l'Europe pour nous envoyer ses radionucléides. Et pour que le tableau soit complet, Vetrov fournit aussi la liste des agents du KGB en poste dans les pays occidentaux, la fameuse ligne X, le MUST. Il fournit également des centaines et des centaines de bobines, de microfilms sur lesquels les documents les plus sensibles liés à l'espionnage industriel réalisé par les soviétiques sont enregistrés. C'est simple, dans ce que la source Farwell fournit, il y a tout, absolument tout, de ce que l'Union soviétique espionne à travers le monde. Des moteurs des fusées Ariane jusqu'au système de radars américains, en passant par les trains d'atterrissage d'avions de combat britanniques. Avec Farwell, le camp de l'Ouest a désormais un atout considérable dans son jeu. Et comme dans un bon polar, la suite de cette aventure nous réserve encore bien d'autres surprises. Juillet 1981, sommet du G7 à Ottawa. Autour de la table et parmi les chefs d'État des pays les plus industrialisés, il y a François Mitterrand, la curiosité de cette réunion, car il vient d'être élu en France. C'est son baptême du feu sur la scène internationale. Quelques jours plus tôt, il a reçu à Paris le vice-président américain George Bush, avec qui le dialogue a été très vif sur la question de l'entrée de 4 ministres communistes dans le gouvernement de Pierre Mauroy. Les Américains voient cela d'un très mauvais œil. Mais François Mitterrand apaise son visiteur américain et lui dit en substance « Bon, des communistes au gouvernement, pas de problème, ils ne sont là que pour la galerie, c'est un accord électoral, monsieur le vice-président. » François Mitterrand rassure, George Bush apprécie. Nous avons parlé à fond de nombreuses questions. La politique de la France est celle de la France et restera celle de la France. Mais la France est un allié loyal et fidèle des États-Unis d'Amérique. Nous avions donc beaucoup de choses à nous dire sur ce point. Our European allies are sovereign. Nos alliés européens sont des nations souveraines. Nations and the decision on how they are governed rests with their citizens and with their elected representatives. Ce sont donc leurs citoyens et leurs représentants élus qui décident comment ils sont gouvernés. However, the position of the United States on the subject of communist participation in the governments of our allies. Toutefois, is well known. La position américaine sur la question de la participation des communistes dans les gouvernements de nos alliés est bien connue. Quelques jours plus tard, le 14 juillet, lors de la traditionnelle garden party à l'Élysée, le directeur de la DST, Marcel Chalet, demande à François Mitterrand un entretien. Ce qu'il a à lui dire est de la plus haute importance. De fait, il lui explique que les Français ont désormais une taupe infiltrée dans les hautes sphères du KGB, une source d'informations incroyablement riche, une source qui leur a déjà transmis des documents exceptionnels sur l'espionnage soviétique. Extrait du film de Christian Carion, l'affaire Farwell. Quel est le niveau de la source ? Niveau 1. Nous pensons que la source va continuer à émettre. Nous avons mis en place une cellule au sein de la DST. Pourquoi la DST traite-t-elle cette affaire ? La source fut en poste ici à Paris de 1965 à 1970. Et c'est à cette époque que nous l'avons approché. Et il nous a envoyé un signal il y a 3 mois. Et si cette affaire est confiée à nos collègues habilités à opérer à l'étranger, nous perdrons le contact. Les services extérieurs d'espionnage sont infiltrés par le KGB. Les Russes n'ont pas noyauté la DST parce que ça leur paraissait inutile. Nous n'avons pas à intervenir en dehors du territoire national. Heureux de vous l'entendre dire, monsieur le directeur. Non, vous allez continuer à suivre cette affaire en m'en rendant compte personnellement. Car je vous rejoins sur un point, moins de gens sauront, mieux cela vaudra. Je vous couvrirai tant que je pourrai compter sur votre loyauté à mon égard. Monsieur le Président, j'ai consacré ma vie à la défense des intérêts de la France. Vous pouvez disposer, monsieur le directeur. Qu'est-ce qui est inscrit en haut du document ? J'ai donné un nom de code à la source, Farwell. Ce qui veut dire adieu. Et pourquoi pas adieu en français ? Les Russes entendront parler de Farwell et penseront CIA, ça nous permettra de gagner un peu de temps. Nom de code de la source, Farwell. Mission, copier et transmettre tous les documents qui sont en sa possession pour que la DST puisse les étudier. Pour François Mitterrand, cette nouvelle, c'est évidemment du pain béni avant de rencontrer Ronald Reagan à Ottawa. C'est un cadeau de la Providence. La politique de la France est celle de la France et restera celle de la France. Mais la France est un allié loyal et fidèle des États-Unis d'Amérique. Ottawa, après 48 heures d'un programme chargé, notamment autour de la question de la relance des économies et du commerce international, on s'achemine vers la fin des discussions du groupe des sept. Avant le dernier dîner de clôture, le président français et son homologue américain se retrouvent pour une entrevue à l'écart. Étonnant face à face entre un président français de gauche qui parle comme un livre et un président américain conservateur dont on dit qu'il ne lit pas un livre, ce qui est faux d'ailleurs. Pour la presse, l'image est saisissante, mais ce qu'il y a derrière l'image l'est encore plus. Et là, il n'y a pas de son. Et pour cause, le sujet est top secret. Et puis, comme on ne vient pas les mains vides à celui qui veut repartir les poches pleines, François Mitterrand abat son atout maître, Farwell. Notre service de contre-espionnage a intercepté une source de première main, un agent russe de très haut rang qui peut avoir accès à l'intégralité des dossiers du KGB. Cette source est en lien avec les services français de la DST et selon les premiers éléments dont nous disposons, ça prouve que votre pays est pillé de l'intérieur par les espions communistes. Je vous ferai parvenir dans quelques jours les premiers documents qui vous permettront de prendre la mesure de tout ça et d'en juger par vous-même. Malgré nos différences, la France et son peuple sont toujours vos alliés dans la bataille contre les régimes de la terreur. Si Ronald Reagan reste d'abord sceptique face à de telles révélations, la venue à Washington dans les jours qui suivent du directeur de la DST, Marcel Chalet, lui apportera la preuve qu'il peut faire confiance à François Mitterrand. C'est que Marcel Chalet a rapporté une mallette remplie de documents fournis par le dénommé Farwell. Et là, ça change tout. Quelle stupeur pour les Américains de découvrir que les Soviétiques ont en leur possession les plans des moteurs de leur fusée Saturn V, la grosse fusée qui a envoyé des hommes sur la Lune, qu'ils ont aussi les secrets de fabrication de leur navette spatiale, de leurs chasseurs de combat Tornado et même les plans du système radar qui protège les États-Unis. Dès lors, la relation américano-française n'est plus la même. Des divergences politiques, bien sûr, mais beaucoup de confiance. Et dès lors, Ronald Reagan va durcir sa politique contre l'URSS et accepter volontiers de travailler avec un président français socialiste. Reste à savoir qui est cette mystérieuse source Farwell. Farwell, de son vrai nom Vladimir Hippolytovitch Vetrov. C'est donc un agent du KGB qui travaille dans une section très sensible de l'agence de renseignement soviétique, le 4e bureau de la division T, à la direction principale du KGB à Moscou. Division T, autrement dit la division chargée de l'intelligence technologique, comprenez ici, en charge de l'espionnage industriel. Il faut rappeler que dans cette course aux armements que se livrent les deux blocs depuis 35 ans, les Soviétiques comblent leur retard en pillant les découvertes et avancées technologiques réalisées de l'autre côté, à l'ouest. Mais avant les révélations de Farwell, on en était loin d'imaginer à quel point, quelle ampleur. Face à la caméra d'Hervé Brusigny et de Dominique Thiers, c'est Xavier Hameil, un industriel qui, on va le voir, deviendra le contact de Farwell pour la DST, qui raconte la nature et l'ampleur des documents qu'il a reçus des mains de l'agent Vetrov. Alors, il me présente un premier document qui était écrit en français ou en anglais, je ne me souviens plus, mais pas en russe parce que je ne peux pas lire l'écriture manuscrite en russe. Je ne peux lire que l'imprimerie. Donc, à l'issue de la première rencontre, il vous fixe le prochain rendez-vous. Oui, c'est ça. Dans le parc Borodino. C'est ça. Vous étiez surpris au fur et à mesure de vos rencontres, de ce qu'on vous donnait ? Le gros document, j'ai été très surpris. Parce que justement, il était annoté, il était même signé de M. Andropov, directeur du KGB. C'était quoi ce gros document, monsieur ? C'était la liste de tous les pièces détachées et de tous les endroits où l'on pouvait obtenir des renseignements, que ce soit en France, en Amérique et en Allemagne et en Angleterre. En particulier, il y avait tous les plans du Tornado, ce qui a obligé d'ailleurs les Britanniques à refaire complètement l'avion. Vladimir Vetrov, Farwell donc, est en effet chargé d'inventorier et de superviser toutes les données de ce que les espions soviétiques ont pu glaner à l'ouest. Mieux encore, il voit passer devant lui les bordereaux de commande de ce que les grands groupes industriels du pacte de Varsovie cherchent à obtenir à l'ouest. Il sait donc ce que les soviétiques ont espionné et ce qu'ils prévoient d'espionner. Comme le confiera l'ancien bras droit du directeur de la DST Raymond Nart bien plus tard, Farwell, c'était inespéré. J'ai tout de suite vu que c'était une affaire énorme, la plus grande émotion de ma carrière, en tout état de cause. Si nous avions eu le choix d'une source au cœur du dispositif soviétique le plus sensible, le plus dangereux pour la défense de l'Ouest, nous aurions voulu qu'elle soit précisément à l'endroit où se trouvait Farwell. J'ai compris qu'il fallait en parler immédiatement aux plus hautes autorités de l'État. Mais en même temps, j'ai pensé que, comme nous étions en pleine campagne présidentielle, il fallait attendre le résultat de cette élection pour savoir à qui le dire. Lors d'une rencontre entre services secrets français et américains, en présence des présidents des deux pays, le directeur de la DST, Marcel Chalet, donne un aperçu du système. Extrait du film de Christian Carion, l'affaire Farwell. May I take this opportunity to thank again the CIA in the person of the director, Mr. Finney. Je profite de l'opportunité pour remercier encore la CIA et le directeur de la CIA, Mr. Finney, for the precious collaboration we are starting now. Pour leur précieuse collaboration. If you don't mind, Mr. President, I'm going to speak French. Si vous ne m'en voulez pas, Monsieur le Président, j'aimerais continuer en français. Grâce à la dernière livraison de Farwell, il nous est possible aujourd'hui de comprendre l'organisation globale de l'espionnage soviétique. Le KGB n'est pas le seul qui nous espionne. Toutes les entreprises à l'Est, les académies des sciences, et même les plus modestes participants à des foires commerciales sont impliqués. Et tous ces réseaux envoient régulièrement des informations qui sont centralisées, analysées et digérées par un organe que nous ne connaissions pas encore, le VPK. VPK. How many agents work for this service? Combien d'agents travaillent pour ce service? And who's in charge of it and since when? Et qui est en charge et depuis quand? Je n'ai pas à ma disposition les informations fiables me permettant de vous répondre. A long time ago, we too heard of the VPK. Il y a bien longtemps, on a déjà eu vent du VPK. That thing is the Loch Ness Monster. Laissez-moi vous dire que c'est un serpent de mer. Oui, enfin, c'est sans doute la raison pour laquelle vous aviez décidé de ne jamais nous en parler. Bon, continuez, monsieur le directeur. Alors, nous avons calculé que les Russes dépensent davantage pour l'espionnage industriel que pour leurs propres recherches. Ils ne veulent pas simplement prendre le risque de chercher, ils veulent aussi et surtout acheter l'assurance de trouver. Et ça leur coûte très cher. Le pillage représente plus de 40% de leur budget global dans la course aux armements. Eh bien. Well, that's incredible. Ça dépasse ce que j'imaginais. Are you sure of it? Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? 40%. 40%. Can you imagine the sums at stake? Vous imaginez ce que ça représente? It doesn't make any sense. Ça n'a pas de sens. To feed the enemy good information to hook them and then nourrir l'ennemi avec des informations pour les emmener fouiner ailleurs et leur faire perdre du temps, c'est une vieille tactique. That, right? Mais vous le savez, n'est-ce pas? Absolutely. Absolument. But Farwell is the finest source of all times, Mr. President. Mais Farwell, je vous l'assure, est la meilleure source de tous les temps, Monsieur le Président. VPK, tête de pont de l'espionnage soviétique, une commission spéciale en lien direct avec le Kremlin qui décline en plan quinquennaux ou annuel les besoins de l'appareil militaro-industriel soviétique et qui intègre ce qui a été collecté à l'étranger. Pour l'Ouest, tout devient maintenant beaucoup plus clair sur le jeu de l'Est. Maintenant, pourquoi Vetrov, alias Farwell, décide-t-il de trahir son pays ? Premier fils d'une famille modeste, ses parents ne font pas partie de l'élite soviétique, la nomenklatura. Pourtant, malgré ses origines, il réussit une brillante carrière. Il est ingénieur, spécialisé dans les puces électroniques, et c'est aussi un athlète de haut niveau, bref, un profil de soviétique modèle. Mais il n'obtient qu'un simple poste dans une entreprise de machines à calculer. Il est déçu, amer. C'était pas un poste intéressant. À la sortie de l'école, des nuls avaient obtenu les bonnes places parce que leurs parents avaient des relations. Ça m'avait choqué, mais bon. À l'époque, je croyais au communisme. Alors, quand le KGB a lancé une campagne de recrutement, j'ai pas hésité. Faire du renseignement, je trouvais ça excitant. Aller dans des pays capitalistes, chez le diable, on en rêvait tous. Et puis, le KGB, c'était l'élite. Vladimir Vetrov intègre donc le KGB et il se montre assez doué pour le renseignement. D'ailleurs, il est vite envoyé sur un terrain qu'il aime, il a envie d'y aller. Paris, oui, Paris. C'est à partir de 1965. Il y restera 5 ans en compagnie de sa femme et de son fils, ses plus belles années. Il est ingénieur à la mission commerciale du RSS. La DST fiche Vladimir Vetrov comme un agent probable de l'Est. Il faut dire qu'à cette époque, tous les Russes de la délégation soviétique sont suspects. Comme ça, c'est réglé. Avec sa femme, Svetlana, ils vivent la grande vie et goûtent au plaisir de la liberté. Vladimir Vetrov se rapproche alors de l'un de ses partenaires de travail, un dénommé Jacques Prévost, qui travaille chez Thomson CSF et qui connaît bien l'URSS. Très vite, les deux hommes partagent des intérêts qui dépassent le simple cadre professionnel. Un soir, alors qu'il rentre ivre au volant de la voiture du corps diplomatique, Vladimir Vetrov est victime d'un accident. Il percute un réverbère sur le pont des Invalides et endommage gravement son véhicule. Celui qu'il réveille en pleine nuit pour lui demander de l'aide n'est autre que Jacques Prévost. Je me précipite et je trouve Vetrov pleurnichant à côté. Il fallait la rendre à l'ambassade en bon état. S'il ne le faisait pas, c'était non seulement sa carrière qui était en cause, mais peut-être même sa vie. Hein? Il aurait pu être envoyé au goulag ou je ne sais où. Enfin, c'était fini pour lui. Bon, alors, j'ai pu me débrouiller pour faire réparer la voiture. Près de la compagnie, bien sûr. Ça a coûté une petite fortune, mais il a récupéré sa voiture en 48 heures, apparemment remise en état. 2 jours après, il est venu à mon bureau pour me dire « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie, t'as sauvé ma carrière. Je te jure qu'un jour ou l'autre, je te revaudrai ça. » Pour moi, c'était parole en l'air. Hein. En fait, tout est parti de là. De cet épisode naît une relation de confiance entre les deux hommes. Quelque temps plus tard, c'est la tuile, la mauvaise nouvelle pour Vladimir Vetrov. Lui, l'amoureux de la France, est rappelé à Moscou. Nous sommes en 1970. Vetrov vit très mal ce retour en terre soviétique. Fini les sorties avec les amis français, les dîners au restaurant, les balades en toute quiétude, la nuit sur les bords de Seine. Désormais, il se sait condamné à végéter dans le système soviétique gris et poussiéreux. On l'enverra tout de même au Canada pour 9 mois, mais Vladimir Vetrov semble avoir perdu la foi dans le métier d'espion, car il reste profondément attaché aux doctrines du communisme. Qui plus est, c'est un nationaliste convaincu qui déplore que son pays aille pirater chez les autres ce que les savants et scientifiques soviétiques pourraient très bien découvrir par eux-mêmes. Pour lui, c'est un signe de faiblesse qui n'est pas à l'image des valeurs du socialisme dans lesquelles il croit. Pour un espion, on fait mieux, hein, pas vraiment l'esprit. Cette analyse, en tout cas, c'est celle de l'ancien directeur de la DST, Marcel Chalet. L'argent n'a joué pratiquement aucun rôle dans cette affaire. Nous avons dépensé en tout, et pas seulement pour faire de menus cadeaux à Farewell dans le cadre de ses besoins de la vie quotidienne, moins de 100 000 francs pour l'ensemble de la manipulation de cette source. Par conséquent, l'argent ne jouait aucun rôle et d'ailleurs, c'était parfaitement compréhensible compte tenu des motivations dont il faisait lui-même état de façon répétée. Il se présentait comme un adversaire du système soviétique tel qu'il le vivait à l'intérieur de son service. C'était un homme qui dénonçait le comportement d'une hiérarchie pesante, quelquefois stupide, la jalousie entre les cadres, le népotisme, tout un tas de comportements qui lui paraissaient relever d'une société archaïque et totalitaire qu'il rejetait par toutes les portes de sa peau. Il s'affirmait, par contre, séduit par les valeurs des États démocratiques. Et c'était un homme qui, à coup sûr, voulait porter des coups très durs au système soviétique, en fournissant à ses adversaires naturels, les démocraties occidentales, des moyens de mieux se défendre contre des agissements qui lui paraissaient extrêmement dangereux. Autre question. Pourquoi Vetrov a-t-il adressé ses trésors de guerre à la France ? Eh bien parce qu'il est amoureux de Paris et qu'il a un contact à Paris. La recherche des dernières capitales pour s'offrir à leurs caresses de métal. Quand tu descends du train, tu t'exclames. Tu ne reconnais pas leur visage. Plus loin vers l'est, d'ouest en est. Plus loin vers l'est, toujours plus loin, sans retour. Un espion nostalgique, souvenir d'une mission impossible, un désir d'écouter leur musique. Plus loin vers l'est, d'ouest en est, plus loin vers l'est, toujours plus loin, sans retour. Je suis pris d'une soudaine émotion. Pourquoi parler de ta décision quand il me reste qu'une solution, de partir seul dans cette direction. Plus loin vers l'est, d'ouest en est. Plus loin vers l'est, toujours plus loin, sans retour. De retour à Moscou après son expérience canadienne, Vladimir Vetrov est nommé chef adjoint au sein de la direction T du KGB. Les années vont alors passer, Vetrov a une maîtresse au KGB, sa femme le trompe, il boit aussi énormément. Cet homme est à la dérive. Chercherait-il un sens à sa vie ? Toujours est-il qu'en novembre 1980, il va reprendre contact avec Jacques Prévost, qu'il présume être un agent de la DST. Il lui envoie une lettre. Cher Jacques, par l'occasion, j'ai la possibilité de t'envoyer une petite lettre et de te rappeler que nous, ma femme et moi, sommes sains et saufs. Assez souvent, nous nous souvenons notre séjour à Paris et tous nos amis. Je t'en prie, quand tu seras à notre capitale, de trouver un peu de temps et d'essayer de nous donner un coup de téléphone. D'habitude, je suis chez moi à partir de 19h du soir. Numéro de téléphone, tu dois connaître. Je t'embrasse et à bientôt. Cordialement, Vladimir. L'invitation est lancée. La lettre sera postée en Hongrie grâce à un parent de Vetrov qui vit dans ce pays. À Paris, Jacques Prévost prévient alors le chef de la section soviétique à la DST, Raymond Nart. Dans les semaines qui suivent, Jacques Prévost se rend à Moscou et découvre que son ami, le lieutenant-colonel du KGB, Vladimir Vetrov, veut effectivement jouer les informateurs pour les services français. Nous sommes en février 1981. À Moscou, la DST n'a aucun relais russophone pour entrer discrètement en contact avec Vladimir Vetrov, le fameux monsieur Farwell. Aussi, c'est Jacques Prévost lui-même qui va demander l'aide d'un ami sûr, quelqu'un qui travaille chez Thomson CSF à Moscou. Son nom, Xavier Hamel. Le renseignement, il n'y connaît rien. Et il ne pense rendre qu'un simple service à Jacques Prévost. Il faut savoir que si la DST bénéficie d'un fort réseau sur le territoire français, c'est sa vocation, elle n'est pas censée opérer à l'étranger et joue donc sur les plates-bandes de l'autre organe du renseignement, le SDEC. Et c'est contre toutes les règles élémentaires de l'espionnage que Xavier Hamel retrouve Vladimir Vetrov dans son véhicule. Plus tard, il racontera comment s'est déroulée cette scène. Je lui ai dit tout de suite, la DST est prête à vous ouvrir les frontières si vous avez des difficultés. Et à ce moment-là, il me dit, mais non, ce que je veux, c'est travailler pendant quelque temps avec la DST. Mais moi, je ne suis pas de la DST. Alors lui, ne me croit pas. Et il me présente un premier papier en français que je parcours. Je lui dis, oh, mais tout ça, tout le monde connaît. Vous êtes bien gentil, mais enfin, vous repasserez. Il est très vexé, il m'a dit, mais la prochaine fois, vous aurez des choses beaucoup plus intéressantes. À la sortie du premier rendez-vous, j'ai cru qu'on entrait dans un roman policier. Au début, les services français sont persuadés que Farwell veut passer à l'Ouest. Mais à leur grande surprise, il n'en est rien, au contraire. Vladimir Vetrov leur révèle d'emblée qu'il ne veut pas quitter son pays, mais lui faire payer ses dérives idéologiques. Mieux encore, il veut travailler pour la DST pendant une période de 3 ans jusqu'à sa retraite. Une décision qui lui coûtera la vie. Parc Borodine, sur un banc, on échange des serviettes, des documents pour le français et des cadeaux pour le soviétique, vodka, liqueur, bijoux. C'est ainsi que sous le nez des badauds et autres promeneurs, les plus grands secrets sur l'architecture du système d'espionnage du KGB passent de main en main. Dans cette histoire, Farwell va prendre tous les risques. Il sort par mallettes entières les documents du KGB. Par la suite, c'est un vrai espion qui succédera à Xavier Amiel, un dénommé Ferrand. Les échanges vont se poursuivre pendant 11 mois. La photocopieuse sera remplacée par un mini appareil à microfilm provenant de la CIA. Mais un beau jour de février 1982, Farwell ne donne plus signe de vie. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. L'affaire Farwell, dans quelques minutes nous retrouverons notre invité Hervé Brusini, grand reporter, prix Albert Londres 91 pour son enquête sur Farwell. Le 23 février 1982, Farwell n'est pas au rendez-vous de repêchage, comme on dit dans le milieu. Pas de nouvelles, aucune trace. Après quelques mois, plus de doute, Farwell est soit mort, soit emprisonné. La source est grillée. Les Français ne l'apprendront que bien des années plus tard. Farwell est en fait en prison en Sibérie pour la tentative, non pas d'espionnage, mais d'assassinat de sa maîtresse, qui lui faisait du chantage après avoir compris qu'il transmettait des documents secrets du KGB. Lors de cette altercation, il a aussi tué un homme de la milice en civil. 5 avril 1983, Paris, 10h du matin. Un convoi quitte l'ambassade soviétique boulevard Lannes dans le 16e arrondissement. 47 personnes appartenant à la représentation diplomatique de l'URSS à Paris sont expulsées. Le porte-parole de l'ambassade de l'URSS, Alexandre Advef, accuse la France de s'en prendre politiquement à la représentation soviétique à Paris. L'ambassade proteste vigoureusement contre la décision totalement infondée et arbitraire des autorités françaises. Il ne nous a pas été présenté aucun fait d'activité illégale de la part des collaborateurs soviétiques auxquels il est signifié de quitter la France. Aucune preuve, aucune explication, et ils ne peuvent pas exister car les collaborateurs des représentations soviétiques en France n'exercent et ne peuvent exercer leurs fonctions que dans le cadre normal du développement des relations soviéto-françaises. Aussi, arrivons-nous à la conclusion que l'expulsion sans précédent des collaborateurs soviétiques est liée à des considérations politiques des autorités françaises sans rapport avec le travail de l'ambassade et d'autres représentations soviétiques en France. Toute la responsabilité des conséquences négatives de cette action arbitraire sur les relations entre la France et l'Union soviétique incombe donc à la partie française. Cette expulsion est en fait la première réponse de la France dans le sillage de l'opération Farwell. Car 8 des 47 diplomates expulsés faisaient partie de la liste des espions soviétiques remise par Vladimir Vetrov. Cette mesure de rétorsion contre les espions du bloc de l'Est aura une lourde conséquence. Lors de sa rencontre avec le représentant de la délégation soviétique à Paris, le conseiller du Quai d'Orsay présentera des documents directement issus de la source Farwell pour justifier l'expulsion des diplomates. Et selon des sources proches du dossier, c'est ce qui aurait permis au KGB de remonter la piste Farwell jusqu'à la prison sibérienne de Vladimir Vetrov. Fin de l'histoire. En décembre 1984, le KGB fait rapatrier Vetrov, manu militari, à Lefortovo, la prison de haute sécurité du KGB. Il sera par la suite jugé coupable de haute trahison et fusillé. Nous sommes le 23 janvier 1985. Vladimir Vetrov, alias Farwell, meurt à l'âge de 52 ans. Avec Farwell, les Américains et le bloc de l'Ouest ont enfin la carte qu'il leur manquait pour frapper un grand coup dans les entrailles de l'ours soviétique. Les Polonais de Solidarnosc, Jean-Paul de lui-même, Ronald Reagan et son grand bluff de la guerre des étoiles, et bien sûr, Mikhail Gorbatchev parachèveront l'œuvre. 4 ans seulement après la mort de Vladimir Vetrov, le mur de Berlin tombera, mettant fin au monde bipolaire, un monde où les espions étaient rois. Bon baiser de Russie, de vodka je t'écris, ces mots transis, ces mots d'ici, Ivanovna. Je n'ai que toi. Bonjour Hervé Brusini. Bonjour. Dites-moi, ça vous rappelle des souvenirs tout ça? Oh oui, c'est vieux mais c'est en même temps terriblement présent. Bien sûr, alors on n'est pas pris Albert Londres pour rien, à tout seigneur, tout honneur. Avec vous... Dominique Thiers. Oui, bien sûr, et c'est vous qui avez retrouvé la piste de celui, qui... enfin côté journaliste, hein, qui était Farwell à Moscou. Racontez-nous, comment avez-vous pu remonter jusqu'à ce scoop, ça s'en est un. Oui, mais c'est tout bête. Et c'est bien parce que ce soit tout bête, parce que ça démystifie, je trouve, ce grand mot qu'est l'investigation. Il se fait que Marcel Chalet, que vous avez entendu, avait accordé un livre d'entretien au grand journaliste qui s'appelle Thierry Volton, qui, lui, au début, a sorti toutes les affaires du KGB, le KGB en France. Il était très ami avec Marcel Chalet. Dans ce livre qui s'appelle « Les visiteurs du soir », je crois, Chalet dit que le beau-frère de Vetrov est un chanteur connu, je crois, qui s'appelle Barashnikov, un nom comme ça, Et nous disons, ben ça alors, il y a donc quelqu'un qui connaît Vetrov, on peut avoir un fil. Donc nous téléphonons à notre ami que nous avions là-bas à Moscou, traducteur, pour lui demander un rendez-vous avec ce beau-frère. Et nous allons le voir. Et on se présente, on dit voilà, nous sommes des journalistes français, on voudrait parler de votre beau-frère, tout ça. Et il dit, ah oui, bien sûr, Valodia, Vladimir. Et deux minutes plus tard, il dit, mais Vetrov a toujours été comme ça. Et pof, nous avions et le nom et le prénom. Et la terre entière cherchait après ces informations-là. Donc nous commencions à avoir, et puis suprême cadeau, si j'ose dire, de cet homme qui est absolument magnifique, je ne sais pas s'il est toujours vivant, c'est une armoire à glace. Jean-Rivan Rebroff, et il nous dit, d'ailleurs, vous devriez aller voir sa femme, elle travaille là, à 300 mètres d'ici, au musée de la bataille de Borodino. Ah bah tout va bien. Donc, ni une ni deux, on s'équipe en caméra cachée, parce qu'on ne savait pas comment Madame Vetrov allait nous recevoir. Svetlana, c'est ça. Svetlana, superbe femme, blonde, magnifique, effarée de rencontrer des journalistes français, sciée, quoi, comme on dit, pardon pour le côté vulgaire, hein, mais vraiment stupéfaite. Donc on enregistre et puis elle nous dit, écoutez, ce soir, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous veniez à la maison. Et là, elle met sur la table l'intégralité des photos et tout le récit, son récit de l'histoire de Vetrov. Et nous commencions à avoir les éléments majeurs de l'enquête. Vous voyez, c'est pas aussi difficile que ça. But... Alors on dit que la chance fait partie du talent d'un journaliste. Je sais pas qui disait et ça. Et des espions, mais donc c'est pas le même boulot. Et des hommes politiques aussi. Et des hommes politiques, François Mitterrand. Mais mon amie Thiers, elle avait fait un autre travail qui consistait aussi à essayer de savoir comment on pourrait rencontrer les hommes que vous avez mentionnés, à savoir Jacques Prévost et Xavier Hamel, parce que, ok, on a la source soviétique, mais et les Français qui ont été en relation, comment faire? Mais il se fait que dans ce texte, je crois aussi, Marcel Chalet parlait d'une remise de décoration par le président de la République directement à ses employés de Thomson. À des hommes de Thomson. Donc on a regardé qui avait eu, dans les dates qu'on envisageait être les bonnes, la fourchette qui était la bonne, et on a trouvé les deux noms, de Prévost et Hamel. Et c'est comme ça qu'on a pu les loger, comme on dit. Donc il vous manquait personne, vous avez tout. Vous aviez le principal protagoniste de cette affaire. Oui, en tout on cas, commençait à être assez solide, oui. Ouais. Bon, et on va en reparler juste après. Ce que nous écoutions tous en 1981, vous vous souvenez de Moon Martin? Oui, j'adore, Bad News. Ah bah tiens, justement, mais c'est le titre que vous allez entendre. Bravo. Mais nous, c'était des super bonnes nouvelles. On my clothes, I'm bad. Bad News 1981, Hervé Brusini, quand vous revenez avec tant de news, vous, des informations si importantes hein, sur Farwell, vous savez que c'est Vetrov, vous connaissez sa femme, vous avez en votre possession quasiment tous les protagonistes les plus importants de l'affaire. Alors, vous allez à la DST ensuite, comment ça se passe? On demande rendez-vous, oui, à la DST. Là, à l'époque, c'est Jacques Fournet, si mes souvenirs sont bons, qui est le patron. Et nous sommes reçus par Jacques Fournet et Raymond Nart, qui est celui qui a été un des principaux agents traitants, on va dire, de Farwell. Et on fait pas beaucoup de commentaires, on s'assoit dans ce bureau. D'abord, on découvre les locaux de la DST. Je crois pas que j'y étais rentré avant. J'avais vu ceux de la Loubianka, c'était quand même assez rigolo. Vous imaginez nos têtes. C'est boulevard Mortier, c'est ça, non? C'était à l'époque, oui. Hein, oui. Et donc, non, c'était rue Nélaton, pardon. Ah, rue Nélaton, en haut de la tour. Non, Mortier, c'est la DGSE, l'extérieur. Là, on est à la DST. Et donc, après avoir vu le côté marbre blanc, les vastes espaces, les cartes de crédit rouges que les types ouvraient en uniforme KGB, paf, on arrive rue Nélaton à la DST. Et là, on met une photo, je me souviens, sur le bureau de Fournet avec la dernière lettre de Farwell. Bon, Fournet prend ça, ça lui dit pas grand-chose, il passe à Raymond Nart. Et Nart, après un moment de silence qui pour nous a été un moment d'intense jubilation, je dois le confesser, dit « c'est quand même pas lui ». Et nous lui disons « mais si, c'est lui, c'est Farwell, c'est Vetrov ». Et là a commencé un truc incroyable, c'est-à-dire qu'on sentait que les services se demandaient bien ce qu'on avait pu glaner. Et nous, ce que nous attendions, c'était que les services nous donnent quelques éléments de ce qu'on appelle la production Vetrov, à savoir les documents qui leur avaient passé. Parce que, ok, on avait toutes les personnes, enfin, un certain nombre de personnes, mais on n'avait pas la matérialité des choses. Et en particulier, ce truc incroyable de la petite épingle que Vetrov mettait pour être à la bonne distance pour photographier le document. Et bon, ils ont accepté de nous donner quelques documents, et voilà. Mais si vous voulez, ce qui est important, c'est que l'essentiel, en fait, de la recherche que nous avions pu réaliser, c'était fait un peu en dehors d'eux. Et donc, on est arrivé avec nos infos qu'on a mis sur la table. Et pourquoi ils vous disent « c'est quand même pas lui » ? Parce que les espions, ils ont tous des têtes de Monsieur Tout-le-Monde. Finalement. Ben, il le faut, d'ailleurs. Parce qu'on sentait que c'était quelque chose qui était à vif à la DST. Et donc, ce « c'est quand même pas lui », c'était... C'est quand même pas vous qui avez retrouvé, quoi, à notre place. C'est notre boulot à nous. Non, on va pas aller jusque-là, parce que, bien sûr, il s'était démené et tout, mais c'est quand même pas vous qui allez nous apporter des réponses aux énormes questions que nous nous posons. Oui, c'est ce que je vous dis, Hervé. Oui, d'accord, mais je ne les avais pas toutes, et peut-être pas une. On avait quelques réponses. Après, on a appris que peut-être la lettre qu'on leur a montrée était une manipulation, une volonté de faire revenir Prévost. Et donc, pour les soviétiques, de reprendre des Français et de leur faire payer ce qu'avait été cette manipulation. Mais après, quand on leur a dit, mais vous savez, on a même fait l'interview de Vladimir Kroutchkov, le grand patron, et on lui a parlé de ça. Et voilà ce qu'il dit. Ça, pour eux, ça a été aussi un grand sourire, parce que quand ils ont vu que Kroutchkov voulait dire que Farwell avait trahi que pour l'argent, et massivement pour l'argent, ils savaient tous, je crois que c'est la réalité, que bien sûr, Farwell n'a jamais trahi pour l'argent. Concernant cette affaire, on a parlé d'amateurisme. Est-ce que c'est de l'amateurisme? C'est de l'artisanat. Oui, ouais, que de passer des documents comme ça sur des bancs publics, ou est-ce que c'est carrément du génie? Parce que pour le coup, plus vous paraissez amateur, plus, en termes de renseignement, vous touchez le génie, finalement. Mais oui, c'est exactement ça. C'était des artisans de génie. Amey a été un artisan de génie, sa femme aussi. Mais vous savez, il y a un grand artisan de génie dans l'affaire. C'est Ferrand dont vous avez parlé. Oui. Ferrand, c'est un homme extraordinaire. Oui, c'est un pro, lui, pour le coup. Ouais, voilà. Moi, je l'ai rencontré il y a seulement quelques mois. C'est un homme qui fait presque 2 mètres de haut. Donc, c'est pas franchement le genre espion qui passe inaperçu. C'est lui qui a failli rentrer dans plusieurs usines d'armement directement avec Farwell, qui voulait tout lui montrer parce que Farwell était comme ça, extrêmement passionné. Allez, vas-y, je te montre, tu vas voir. Et Ferrand n'a jamais été remercié. C'est un des grands scandales du service après-vente, si j'ose dire, de l'affaire Farwell. Mmh. Ferrand n'a pas été salué comme il le faudrait, considéré comme il le faudrait. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est un militaire qui a travaillé pour les civils et les policiers. Et quelque part, il ne finit pas de le payer. C'est quand même un peu triste, ça. Absolument. François Mitterrand, dans cette histoire, je le disais, reçoit comme sur un plateau d'argent un outil de diplomatie fantastique hein, par rapport aux Américains. C'est incroyable. Ah bah c'est formidable, parce que les Américains ne sont pas contents, vous l'avez dit, à cause des ministres communistes, oui. Et d'un en particulier qui est Fitterman, parce que Fitterman, il est ministre des Transports. Ministre des Transports, ça veut dire qu'il sait où vont les avions, comment ça se déplace et tout ça. Et pour l'OTAN, boum, ça y est, il peut avoir accès à des secrets d'État. Alors, c'est le cas de le dire, les Américains voient rouge. Et l'autre leur dit, mais attendez, moi je vais vous apporter tout comme vous ne l'avez jamais pu le lire, à livre ouvert sur le renseignement soviétique. Même votre Maison Blanche, je sais comment elle est protégée. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes défaillant? Et oui, il paraît que la petite histoire dit que Reagan n'a pas trop compris ce qu'il lui a dit sur le début. Au début, non, c'est vrai. Voilà. En revanche, c'est dans les rencontres bilatérales entre Bush et Chalet que les choses vont se préciser et que là, les Américains vont mettre, y compris à disposition des Français, non sans peine, ces appareils photo, parce que les Français se méfient. Ils veulent pas que les Américains repartent chez eux avec tous les microfilms. Donc, on va développer ça en France, dans la région parisienne, avec la présence de Français, parce que quand même, nous les petits Français, ben, on leur a montré qu'on était capable de faire une grande affaire d'espionnage. C'est aussi ça, les coulisses de ce dossier. Et ça donne une force diplomatique à la France. Il y a une vraie relation de confiance qui s'installe entre les États-Unis et la France à partir de là, l'ancrage de la France dans le camp occidental. Vous savez, Chalet connaissait bien les services américains, en particulier James Singleton, qui est ce personnage un peu fou, qui montrait dans le film La Taupe, qui est obsédé par les rouges, il en voit partout. Et oui, bien sûr, les choses se sont structurées, elles se sont faites en confiance, mais on est dans le monde des espions. Et donc cette confiance, elle est toujours très relative. Dernière chose, en 40 secondes, Hervé Bouzine, je me permets de vous demander ça, vous êtes journaliste. Allez-y. Est-ce que c'était un élément important de la chute du mur, l'affaire Farwell? Une brèche? C'est une fissure que moi je pense majeure. C'est Volton qui disait cette affaire, Farwell est peut-être l'homme qui a changé le monde. Et finalement, on aurait pu appeler ça comme ça, notre film, Farwell, l'homme qui a changé le monde. Bien, en tout cas, il me reste à vous remercier, Hervé Bouzini, de nous avoir raconté les coulisses du reportage. On est finalement là dans les coulisses d'une affaire. C'est formidable, hein, on a le côté espionnage, le récit, puis le côté vécu du journaliste. Et puis une démystification de ce qu'est conduire une enquête, ce qui est toujours important. Merci Hervé Bouzini, au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Farwell. Merci aux documentalistes de Radio France et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.